Oui, ça reprend. C'est pas pro, ça. Ça reprend, mais oui, mais évidemment, mais les esprits sont fatigués. Ham, what do you know about ça ham? Ça fait quand même 18 heures que la radio tourne non-stop. Attends, les mecs sont usés, quoi. C'est bon, on peut pas tout faire, quoi. Exactement, mon ami. Bon, alors, on a demandé à Benny, du coup, de nous faire une petite chronique. Et il nous a dit, mais non, moi, les chroniques, c'est pas pour moi, les mecs. Moi, je préfère vous faire un petit jeu de rôle. Alors, Benny, explique-nous. Alors, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Je devais faire un petit créneau jeu de rôle, d'ailleurs, à 16h. Et j'ai cédé mon créneau à nos amis Pantera. Et je me rappelle plus c'était quoi l'autre pseudo pour Chanson Brûlée. Newton. Voilà, exactement. Pantera et Newton. Et alors, donc, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Je vous explique ça en quelques mots. Le principe d'un jeu de rôle, c'est on a plusieurs personnes qui vont se retrouver autour d'une table avec des feuilles de papier et des stylos. Et on a un maître du jeu. Et le maître du jeu, il connaît un peu toutes les règles de ce jeu-là. Et il va, en fait, raconter une histoire. Mais cette histoire, les personnages qui font, les gens qui vont être présents autour de la table, ils vont pouvoir être les héros de ces personnes, les héros de cette histoire-là. Donc à certains moments, ils vont pouvoir dire ce que fait leur personnage dans des situations précises. Un exemple très concret, je vous dis, vous êtes face à une porte, vous entendez des cris étouffés de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites, sachant que vous êtes dans une taverne? Je me chie dessus. Voilà, c'est possible. Si votre personnage, vous imaginez que c'est un personnage qui est très peureux, vous pouvez très bien dire, eh ben moi je me contente de mettre dans un coin de la pièce et de trembler de peur. Et on va avoir un autre personnage qui peut être une espèce de gros bourrin très musclé qui dira, bah moi je mets un gros coup de tête dans la porte. Et en fonction de ça, lorsque vous faites des actions, je vais jeter des dés pour voir si votre personnage réussit l'action ou s'il échoue. En fonction du résultat des dés, de la difficulté de l'action et du type de personnage que vous jouez, il y aura plus ou moins de réussite. Par exemple, si vous jouez un gros troll, vous mettez un coup de tête dans la porte, c'est probable que avec un jet de dés moyen, vous réussissiez à éclater la porte de toute façon. Par contre, si vous jouez une toute petite créature assez frêle, vous mettez un coup de tête dans la porte, c'est plus que probable que vous tombiez assommé. Alors, est-ce qu'on est obligé de jouer au troll? On pourrait pas jouer au gilet jaune? Exactement. Écoute, j'allais vous proposer ça, une petite aventure. C'est parti, il y a des gens qui sont chauds, j'ai envie d'incarner le jeu. Albin est archi motivé. Eh bien, qui joue? Qui joue? Combien sommes-nous à jouer? Moi, je joue. Albin? Je joue aussi. Michel. Et Deux Axes. Trois joueurs. Ok, trois joueurs. Trois joueurs, c'est entendu. Alors, on va avoir trois archétypes de personnages. On va avoir un personnage qui va être plutôt basé sur la force, un personnage plutôt basé sur son intelligence, sa sagesse, et un dernier personnage plutôt basé sur son charisme, son bagou. Donc, je vais déjà vous laisser à tous les trois décider qui incarne quoi, finalement. Force, sagesse, bagou? Oui, force, sagesse et charisme, en fait. Moi, j'ai déjà mon personnage. Alors, si on part sur un truc de gilet jaune, moi, j'ai envie d'incarner la force. D'accord. Et je vais jouer un RG infiltré pour foutre la merde dans la manif. Bim, genre t'as le droit de chier sur le jeu comme ça, décider ce que tu veux. On va voir comment ça se passe. Ouais. Il a décidé de son archétype de personnage, un RG infiltré plutôt basé sur la force. Il vous reste donc le charisme et l'intelligence. Alors j'ai pas de personnage comme ça comme Albin, mais je vais prendre l'intelligence et je vais laisser le charisme à Deux Axes. Mais évidemment. Entendu. Hop. Et le charisme. Je dois prendre juste parce que c'est cohérent. Très rapidement. Alors, le concept, c'est que vous vous êtes rencontrés tous les trois. Il y a eu un appel qui a été fait dans un sombre restaurant d'un sombre quartier de la Croix de je ne sais où. Et en tous les cas, vous auriez eu. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Il me fait des gestes étranges. Vous auriez eu un espèce de rendez-vous dans cet endroit-là. Sans citer le nom, bien sûr, et on vous a demandé du coup de. Enfin, vous êtes organisé, on vous a donné un rendez-vous, un rond-point. Et alors, vous arrivez, le tout début de l'aventure, c'est. Vous avez, par un quelconque fruit du hasard, vous avez fait un petit covoiturage ensemble, et donc vous vous retrouvez près de cette espèce de rond-point, bientôt bloqué. Et il y a un premier type qui s'approche de votre voiture et qui vous demande du coup de montrer votre gilet jaune. Donc la première chose, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez votre gilet jaune ou est-ce que vous refusez de mettre votre gilet jaune? Comment ça se passe? C'est du tour par tour, donc c'est un peu comme vous voulez. On en discute entre nous ou... Vous pouvez discuter ensemble, ouais. C'est un peu comme vous voulez. Albin, j'ai envie de dire qu'on va peut-être sortir notre gilet pour... Bah clairement, on sort notre gilet, hein. On n'est pas là pour cueillir des pâquerettes sur le rond-point. Moi, par rapport au charisme, je pense que je sors le gilet et le porte-voix. Ah. Bim bam. Donc directement, t'es dans la voiture là, tu sors le porte-voix. Sors le porte-voix. Complètement. Alors, donc il y a ce type qui est plutôt satisfait. Bienvenue sur le blocage là. Écoutez les gars, on a pour projet de faire une auto-réduc, c'est-à-dire de piller un magasin non loin d'ici. Vous êtes chaud, vous nous suivez, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi je vais entamer directement la discussion avec le type pour avoir plus d'informations, évidemment. Tu peux lui poser les questions que tu veux, vas-y, j'incarnerai le personnage non joueur. Très bien, je lui dis, quel magasin, je suis chaud. Eh bien, j'ai repéré un Leroy Merlin, là, pas très loin, il y a moyen de récupérer du matos, en plus on pourra faire une barricade, je pense qu'on peut tenir facilement 4-5 mois sur le rond-point. Ouais, mais est-ce qu'il y a des gens chauds? Il y a des gens chauds, non, pour l'instant on est 2-3, mais avec vous, ça fait déjà 6, je pense que ça peut suffire pour faire une équipe. Autoréduc, tu dis? Ouais, autoréduc, ça veut dire on récupère du matos, et puis s'il y a des trucs qui nous intéressent, on le garde dans notre poche, et le reste, on s'en sert pour monter la barricade. Oui, non, vous êtes bien gentils les jeunes, mais du haut de mon personnage intelligent, j'ai quand même envie de lancer un débat long et pénible sur l'utilité d'une autoréduc. Entendu, tu vas jeter... Qui durerait potentiellement une heure. Tu vas jeter un dé. Et à la fin de cette discussion, tu abandonnerais l'idée par dégoût simplement de la discussion. Ok, si tu fais un résultat qui est bon, c'est-à-dire 4, 5 ou 6, il accepte d'abandonner l'idée, 1, 2 ou 3, eh bien il persiste et signe. C'est lancé. 1. Tu ne réussis donc pas à le convaincre par tes arguments brillants, puisque visiblement son niveau intellectuel n'est pas à ton niveau, tout simplement. Eh bien, moi, en tant que personnage charismatique, je m'oppose à cette idée d'aller piller un magasin. Et puis après, le flic infiltré me rappelle qu'ils font des scies circulaires en diamètre 220. Et donc, je décide de me rabattre vers le magasin. Vous rabattez vers le magasin, vous avancez pour l'instant avec vous arrivez, vous voyez votre équipe d'abord, donc le type qui vient de vous rejoindre, appelons-le Gérard des Gilets jaunes, c'est bien. Il vous rabat vers deux autres types. Les deux autres types, ils disent pas un mot, ils ont l'air assez renfrognés, ils ont l'air plutôt stressés quoi. Et quand ils vous voient au début, ils sont en mode vous êtes sûr, t'es sûr qu'on peut leur faire confiance Et alors, le Gérard se tourne vers vous et dit « Alors, c'est quoi le plan? C'est quoi votre plan pour qu'on rentre dans le... » Bah, d'emblée, je bourre le mot à tout le monde. J'ai plein de plans, mais en fait, ça veut trop rien dire. Okay. Et à l'arrivée, je pense que c'est le personnage charismatique qui finit par trouver un plan. Bah, dites-moi des plans. Dites-moi concrètement comment vous faites, sachant que... Vas-y. Moi, j'essaye de prendre la température tout en n'incitant pas. À l'illégalisme et j'essaye d'approuver autant les uns que les autres pour essayer de gagner la confiance, ce qui est dur car je suis pas vraiment fin. Okay. Et du haut de mes sabots jeter le dé. Il faut que tu fasses au moins 5 ou 6 pour pas te faire griller. Tout à fait. Il fait 3. Il est grillé. Il commence à être un peu grillé. Il y a un des types qui un des j'ai deux, un doute. Un je suis deux, intelligent, j'ai un doute. Toi, tu commences à avoir un doute et les deux gars qui étaient un peu renfrognés, il y en a un des deux qui vient vers toi et qui fait mais toi, on t'a jamais vu en manif. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à t'investir dans les gilets jaunes? C'est quoi ton boulot déjà? Franchement, t'as une attitude un peu bizarre. Du fait que j'ai pas trop de neurones, j'essaye de l'embourber sur le fait que je suis auto-entrepreneur et que c'est pour ça qu'on m'a jamais vu en manif, parce que je peux pas faire grève, mais en même temps, j'arrive pas à me définir un vrai métier. Ok, je vais lancer un dé pour le personnage pour voir s'il se fait avoir ou pas. Il fait un test, il fait un résultat de 4, donc c'est pas top. Mais en gros, il reste méfiant, mais il accepte. Enfin voilà, il prend un petit temps pour processer un peu ce que tu viens de lui dire. Il retourne auprès de son pote renfrogné. Et là, il y, y a le fameux Gérard qui dit « Bon, bah là, maintenant, ok, on est chaud. Écoutez, c'est facile. Ben, on y va comme des bourrins. On rentre à l'intérieur. Toi, t'as un mégaphone. On crie que c'est l'autoréduc. Ou alors, je sais pas, une autre solution, c'est peut-être on déclenche le signal d'alarme et puis peut-être ou l'alarme incendie. Enfin, je sais pas. Il y a un plan ou... » Alors moi, en tant que mec pragmatique, je propose à tout le monde d'aller voler des 6 circulaires en diamètre 220 et d'aller couper les chaînes des caddies et d'écrouler les caddies sur les ronds-points pour empêcher les gens de rentrer dans le magasin. Ouais, là les gars, ils commencent à avoir un peu des étoiles dans les yeux. Ah ouais, ouais, on pourrait tous être avec nos 6 circulaires. Mais il y a toujours la question de... Bah comment vous, est-ce que vous y allez frontalement, et c'est là ça va être un choix que vous allez devoir faire, est-ce que vous y allez frontalement ou est-ce que vous entrez discrétos dans le magasin? Pour rentrer dans le magasin, commencer le process quoi. C'est ça, comment vous procédez à la session récupération des 6 circulaires? J'établis rapidement un plan, ça me prend moins d'une demi-heure. Okay. Et là je me dis qu'en fait il y a moyen de la jouer discrétos, dans un premier temps. On rentre, Scredi Boulevard, donc Dehon il est pas pris déjà, il reste à l'extérieur. C'est la barbe, tout ça, ça marche mal. Ça, c'est le maître du jeu qui pourra le déterminer. Mais bon. On prend les gens discrets, habillés en bleu marine. On rentre dedans. On prend les 6 circulaires. Je sais pas si on y arrive. Bah, ça, c'est... Donc, toi, ta proposition pour l'instant, c'est de le laisser dehors parce qu'il risque de se faire griller. Ouais, alors, les gens trop grillés, ils restent dehors. Les gens trop grillés, ils restent dehors. On y va avec les gens Scredi. Est-ce que vous prenez les 6 circulaires pour après niquer les caddies, là en mode révélé. Tout le monde sort du bois. Du coup, ma question, c'est vous mettez rien en place pour, je sais pas, par exemple, perturber la sécurité du lieu, enfin, attirer l'attention. Ah si, peut-être. Dans l'équipe des gens Scredi Boulevard, il y a les feinteurs, ceux qui vont vraiment prendre les scies, tout ça. C'est organisé. Il y a trois équipes qui s'est mis en place pour mettre un incendie de palette derrière le magasin pour attirer les flics. Il y a ça. Il me semble. Donc il y a l'équipe diversion. Équipe diversion, équipe vol, équipe louche. Bon. Donc moi, sachant le plan, j'essaye de faire fonctionner mon émetteur-récepteur. Mais voilà, je suis pas vraiment sûr d'y arriver parce que c'est du matériel de haut de gamme et moi je viens d'arriver en fonction. Donc, ok. Voilà, j'essaye de faire fonctionner mon émetteur-récepteur pour prévenir. Jeter le dé? Je vais marcher un émetteur-récepteur. Un 2. Alors hélas, tu es à l'intérieur de le roi Merlin et ça ne capte pas à l'intérieur. T'as beau essayer, il n'y a personne au bout. Tu es seul avec les manifestants. Tu es un manifestant. En tant que flic, tu loses. Vous arrivez donc auprès du fameux rayon. Certains d'entre vous se baladent dans des rayons absurdes afin d'attirer l'attention. Il y a un début de feu de palette. Effectivement, les gens de la sécurité, vous les voyez plus. D'habitude, ils sont un peu au niveau des caisses, etc. Là, il y a les gens qui ont fait un peu le guet. Vous voyez qu'ils sont plus là. Là, on est tranquille. On prend les meuleuses. Okay, on prend les disques. On commence à monter tout le bousin. On prend un groupe électrogène. On commence à sortir sur le parking pour déchaîner les caddies. Ok. Au moment où vous êtes prêt, vous avez tout le matos. Vous passez la porte de Leroy Merlin. Et là, vous avez une caissière. Mais une caissière qui a l'air... dépassé par la situation, qui se met devant vous, qui fait barrage de son corps et qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, on essaye les 6 circulaires. T'es à l'extérieur, toi, normalement, pour l'instant. Ouais, non, il est chidi, il reste dehors. Alors, les gars, elle est comme ça. « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Qu'est-ce que vous faites? C'est mon métier, je risque de perdre mon boulot. » Ouais, moi, clairement, je dis rien, quoi. J'observe. Et là, plus ça va, plus elle se décompose. Mais vous vous rendez pas compte? Elle commence à moitié à pleurer. Je crois que des gens essayent d'être sympas avec elle. D'autres essayent un peu de la pousser du chemin parce qu'elle obstrue quand même. Et bon, au final, je crois qu'elle se fait un peu pousser quand même. Elle se fait pousser. Clairement, moi, sous mes yeux, je vois quoi? Des gens qui arrivent, ça stagne 10 secondes devant elle. Elle se fait dégage, elle prend de 15 mètres dans la face et les gens se barrent avec le groupe électrogène, les scies et tout le matos. Ok, on va voir les conséquences du fait que vous ayez poussé la pauvre dame. Alors, à ce moment-là, il y a une équipe de journalistes qui est présent, qui a filmé la scène et qui voit cette pauvre dame se faire pousser par une bande de casseurs. Ah, moi, c'est parce que t'as fait un 1. Là, tout ce qui arrive, c'est parce qu'il a tiré un 1. Effectivement, oui, c'était un échec critique. Et alors, il y a carrément vos visages, puisque vous n'avez pas spécifié que vous étiez, vu que vous étiez en mode discret, vous avez attiré l'attention des journaux, là. Donc, on vous voit sur BFM TV, en direct, juste après avoir poussé la dame, et vous avez vos petites scies circulaires dans la main, là. Il y a BFM TV qui sont en train de vous suivre à moitié. Qu'est-ce que vous faites? Question, comment vous réagissez? Qui est en premier plan, là, dans l'écran? Alors là, actuellement, celui qui est en premier plan, c'est toi. Et puis, on a vraiment beaucoup plus derrière, on a Albin, là. Et puis après, entre les deux, il y a les quatre autres. Et puis, comme il s'occupait de gérer un peu le feu de palette et tout ça, lui, il est un peu à l'extérieur de la scène. Il voit de dos les journalistes qui vont vers vous. Il voit que vous êtes en difficulté et il peut intervenir pour essayer de vous filer un coup de main, évidemment. Alors, voyant que je suis filmé en premier plan pendant que la dame se fait pousser, je la récupère à la volée, tout en... Technique Benalla. hop, petit plongeon latéral, je la récupère. Et là, face à la caméra, je tente un truc grossier, vulgaire, mais je la tente quand même. Je me dis, bon, perdu pour perdu, faut la tenter, quoi. Je dis, madame, c'est votre pouvoir d'achat aussi, quand même. Je veux dire, vous aussi, hein, la fin du mois, le bébé, tout ça, quand même. Je tente la totale. Ok, tu tentes la totale. Et je me dis, même si elle, elle sent... Moi, ce qui compte, c'est les caméras. Ok. Est-ce qu'elle, elle pense? J'en ai rien à foutre. Tu vas tester un... Du coup, tu vas faire un test de charisme de difficulté 2. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses au moins 4, 5 ou 6. 5. Alors là, le journaliste de BFM, il prend les images et là, il se régale, quoi. Vraiment, il... Et elle nous rejoint, la meuf, du coup. Elle nous rejoint, elle dit, ouais, c'est vrai, je suis avec les gilets jaunes. Elle est un peu en pleurs et puis elle fait, oh, vous avez raison, vous savez, j'ai une vie difficile, c'est vraiment un métier de merde que j'ai. Écoutez, ouais, je vous suis, moi aussi, je suis gilet jaune, je pouvais juste pas passer de votre côté à cause de mon patron. Et puis elle vous suit et voilà, il y a une espèce de scène de liesse où il y a les gilets jaunes qui sont dehors et qui sont en train de taper dans leurs mains en vous voyant arriver. Et là, Dehas peut nous rejoindre du coup maintenant. Il peut revenir dans quand la partie. Même, parce que je lance le mouvement et puis je suis en train de faire le feu de palette derrière. Ouais. Il vous rejoint, effectivement. Vous vous retrouvez à nouveau, du coup, avec toute une bande. Et là, commence à y avoir une rumeur et qui est... non mais là, ça a merdé avec ce qu'ils ont fait. C'est sûr, les flics vont pas tarder à arriver. Et partout, il y a une espèce de... Voilà, de rumeurs et de début de montée de panique, hein, dans la foule. On dirait que vous êtes une quarantaine de personnes à cette espèce de rond-point dans une zone industrielle près de ce magasin Le Roi Merlin. Donc comment vous intervenez? Il y a vraiment un début de... c'est le stress, là. Alors déjà, moi, je vais directement voir les journalistes de BFM qui sont à côté et je leur dis de zoomer sur toutes les têtes. Je leur dis pas que je suis un flic, mais je leur dis zoomer sur toutes les têtes pour bien voir la colère dans nos yeux. Voilà, pour qu'il y ait des belles images de tous les visages, évidemment, un par un, pour capter un maximum de monde. Le journaliste de BFM, il est en train de vraiment, il avale tes paroles. Il dit, ah, super idée, ouais. Ah ouais, c'est ça que les gens ils veulent. C'est du désarroi, c'est en même temps de la colère. Et des fois, ils ont un peu la bave aux lèvres. C'est ça qu'on veut quand on filme des gilets jaunes. Exactement. Et ensuite, une fois vu qu'on est sorti du magasin, je réessaye évidemment mon émetteur-récepteur pour appeler toute la marée chaussée. Il va retenter son lancer de dé. On lui donne un dé. J'entends bien. Voilà, donnez-lui un dé à ce brave homme. 6. Alors, il a contacté la marée chaussée. Ça se connecte aussitôt. Et alors, qu'est-ce que tu veux leur dire? Vas-y, je t'écoute. Je suis à l'autre bout du fil. Il y a du pillage. Il y a du coup des gens armés, ils ont pris des scies circulaires, ils ont pris des masques à gaz, ils ont pris des protections, ils ont pris du matos pour faire des barricades. C'est chaud. Je sais que il y a beaucoup de gens qui de nos effectifs qui sont à Paris, mais là faudrait au moins envoyer 3-4 fourgons, quoi. Ils te répondent directement, entendu, on est en route, c'est très grave ce qui se passe, on envoie le maximum qu'on peut, on arrive au plus vite. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir te reconnaître dans la foule. Comment tu te démarques? Il a un gilet jaune. Moi, je me démarque... Et je me démarque pas, en fait. Ok, bon. Je reste infiltré jusqu'au bout. Mais nous, on l'a repéré. Entendu. Nous, on l'a repéré. Parce que nous, on commence à se méfier. Nous, on l'a repéré. Même. Et on se dit, faut faire gaffe parce que dans ce genre de mouvement, il y a toujours une taupe. Et donc, avec Michel, on a un doute. Et on se dit, Quand même, tu te rappelles quand on était gamin, on était fan de l'agence Tourisque. Ouais. Et alors que les mecs, ils se mettaient à deux dans l'entrepôt et ils te fabriquaient des trucs de malade. Donc, ouais. Alors, vu qu'on a une vingtaine de six circulaires sous la main là, on et une camionnette Leroy Merlin, on se dit allons choper un poste à souder et on va souder toute cette merde sur le camion. Et là, fait, camion voilà. De la mort. Bam. Et on se fabrique un camion CRS, avec, avec des caddies tout autour soudés sur le camtar. Ok. Espèce, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, en tout cas la Mad Max. Ouais, ouais, Mad Max à base de caddie Carrefour. Okay. Et, bah... et là on se lance, mais tout en se disant quand même, y a des mecs, faut pas trop faire confiance. Ok, ouais. Entendu. Et bah écoutez, ce qui est, pour voir si vous réussissez assez rapidement à fabriquer votre petit camion, vous allez jeter chacun un dé, vous allez le jeter en même temps. Il va falloir que vous réussissiez à faire plus de 10. Ensemble? Ouais, ensemble. 3, c'est parti, il a la main. On a 3 et aïe, on a... ça fait pas. Donc vous êtes... Ah mais 10 c'était dur, fallait 10, faire double 5 ouais. C'est chaud là. C'était impossible à fabriquer notre camion. Si si c'était possible. C'est le maître impossible, du fallait un double 5. Vous êtes donc fallait vous êtes... double 5 pour le faire son camion. Vous êtes à 75% de la fabrication de votre camion mais il n'est pas encore fini. Mais en revanche, vous entendez effectivement au loin eh bien l'arrivée de la cavalerie, vous entendez les gyrophares au loin qui sont en train d'arriver assez rapidement bah et là moi je me retourne, là je commence à regarder mes compatriotes et je me dis pourquoi les mecs ils arrivent, c'est pas normal. Bah, qui leur a dit? Là, il y a Gérard des Gilets jaunes qui vous répond bah, on est sur le rond-point, les flics ils viennent régulièrement. Moi je vois pas le problème, c'est assez habituel. C'était comme ça déjà samedi dernier, on s'est fait virer, on est revenu, ce sera la même chose aujourd'hui. Okay. Le chat et la souris. Wallet, t'avais la nouvelle drogue dans ta poche. Ah bon? C'est vrai? Petit bonus. Et alors là, vous voyez une compagnie qui commence à se mettre en place. Ça sort, c'est équipé, ça a les boucliers et ça lance directement la première sommation. Mais nous, mégaphone. A... Qu'est-ce que tu dis au mégaphone? Ben je dis les mecs, on a un Leroy Merlin pour nous. Alors là c'est la guerre. Là il y a tronçonneuse, si circulaire. Non mais Leroy Merlin il est derrière nous à ce moment-là, tu te trompes. Mais non, on l'est mais déjà, mais si, on peut, Benny, envoyer, non, maître on du peut jeu. Envoyer une équipe y retourner. Oui, monsieur. Quand c'est gratuit, on est assez. On est assez. Parce que si non, les mecs. Tu m'as mis un vent sur quand c'est gratuit, quand même. Là. Ah, c'est dans mes prix, excuse-moi. Merci. Non, mais après, je propose. Eh bah, écoute, toi, du coup, t'essayes de proposer à une équipe de retourner à Leroy Merlin pour mieux t'équiper. Ouais. Moi, j'appuie. Parce que je trouve que c'est malin de scinder le groupe des Gilets jaunes en deux. Ok, tu vas jeter tu vas jeter le dé et t'auras tu plus de résultats. Tu vois, le keuf, il trouve que ce que tu fais, c'est cool. T'as fait 6 plus 2, donc c'est une parfaite réussite. Là, il y a vraiment une foule qui te suit et qui est là et pour on retourne au Leroy Merlin. Donc là, on saccage. Ouais, maintenant, on rentre dans le Leroy Merlin, on saccage. Tronçonneuse, non, c'est qui pour affronter? Ouais, mais on prend tout, je veux dire, on prend tout. Là, c'est plus en mode crédit. Il n'y a plus de crédit qui tient. La totalité des Gilets jaunes vous suivent. Vous vous retrouvez à l'intérieur du Leroy Merlin. Et là, il commence à y avoir des gens qui commencent à se barricader dans le Leroy Merlin et qui disent... Maintenant, le roi Merlin, c'est à nous. Ouais. Les caissières, ouais. On les prend en otage. Ouais. Et puis, on discute pas avec les keufs. Ouais. Et vous entendez, là, vous vous retrouvez soudainement dans le noir complet. Ça fait tous les rayons qui s'éteignent les uns après les autres. Putain de merde. Et juste, vous entendez à l'extérieur des flics qui parlent au mégaphone et qui vous disent qu'il va falloir vous rendre parce que sinon, ils vont devoir intervenir par la force. Première réaction. Ben, on est dans la merde, mais il y a des groupes électrogènes. Toi, tu ne parles que dans le mégaphone, n'oublie pas. Je parle dans le mégaphone, donc je dis « Ah, Michel, c'est toi le mec intelligent de la bande, qu'est-ce que tu proposes comme plan ?» Putain, les mecs, vous affolez pas, on connaît, c'est la classico, les mecs, ils nous font croire, ils sont 500 dehors, en vrai, je le sais, ils sont 5, nous, on est 5000. Enfin, non, j'ai compté, on était 43 tout à l'heure, mais ça suffira. On s'organise, il y a plein de rayons. Là, faut faire la liste. La liste des rayons? Bah, la liste de qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre. Dans un Leroy Merlin. Parce que mec, les mecs qui commencent à traîner dans le rayon peinture, je leur dis non, les mecs, vous gourrez de rayons là. Ah, et puis étant donné que notre projet de camionnette d'agence touristique. La camionnette elle est dehors là. Donc là, on parle du gros œuvre. Donc c'est tous les rayons gros œuvre. Ouais. Donc ça s'organise, il y a une belle organisation, tout ça, l'intelligence. Et là, il me semble que sur un lancer de dés, peut-être qu'avec une belle organisation, on a tous les rayons à notre portée. Peut-être que j'arriverai à fabriquer une putain de camionnette agence touriste de la mort à base de caddie. Mais attends, on est à l'intérieur du Leroy Merlin. Ouais. Elle est où ta camionnette? Elle est à l'extérieur ta camionnette? Non, elle est juste derrière, à l'entrepôt dans la réserve. Il y a un accès au garage ça, de derrière. On fait ça avec des caddies, un moteur de 50 cm de tondeuse et un groupe électrogène. Le maître du jeu ne peut pas accepter. Si tu veux t'organiser, tu peux éventuellement récupérer du matériel, te barricader, créer des choses. Je reformule. On a tous les rayons à disposition. Tout à fait. On décide de fabriquer une arbalète géante. Tout simplement. Donc, je sais pas en combien de temps tu vas réussir à le faire, mais vas-y, jette le dé. Écoute, avec nos talents en menuiserie, parce qu'on a quand même 2-3 mecs qui s'y connaissent. Quand même. Au fond du bois, notamment. C'est quoi le level de difficulté du lancer de dés? Niveau de difficulté, il faut que tu fasses au moins 5 ou 6. 5 ou 6 pour fabriquer l'arbalète géante. Bah, en fait, si tu fais 1 ou 2, tu seras à peu près à 1 tiers de la fabrication. Ouais. Si tu fais 3 ou 4, tu seras à 2 tiers. Si tu fais 5 ou 6, tu réussis à la fabriquer. Attends, on est quand même à 75% de la fabrication de la camionnette. Oublie pas, elle est dehors, elle crache sur le parking. Elle est dehors. Il y a peut-être moyen de finir les 25% de la camionnette. Ouais, mais là, du coup, j'ai lancé un autre défi, je suis là-dessus. Bah, vas-y. Ouais, mais l'arbalète va nous permettre de sortir, de casser la ligne de flic, de retrouver la camionnette. Balance le boîtier rouge. Balance le boîtier rouge. Balance le boîtier rouge avant. Attends, faut que je trouve l'applaudissement. Attends, je le teste. Attends. Non, c'est bien. Soit. Ah oui, c'est bon. Vas-y, jette 5 ou 6. Allez. Et il nous fait un 2. C'est un 2. Nous sommes donc à un tiers de la fabrication de l'arbalète. Que faites-vous? C'est la loose. Quant à vous autres, vous entendez deuxième sommation. Et là, je fais. Albin, comment tu réagis? Albin, il est avec nous dans le Leroy Merlin. Je fais une erreur massive et du coup, je me retourne vers Albin, le mec qui est pas vraiment avec nous, et je lui demande, vas-y maintenant, on fait quoi? On est dans la merde. Et moi, j'étais en train de prendre une photo. Comme un gros teubé. Il y avait le flash. J'ai mis le flash parce qu'on était dans le noir. Du coup, je prends une grosse photo. Bah là, les types. Ouais, mais tout le monde croit que c'est pour ton Facebook. Là, c'est la merde, quoi. Les types réagissent pas forcément. Et là, ils voient juste un type qui a mis un flash. Vous êtes dans le noir, ça paraît un peu logique. T'as activé ton appareil photo. Pour l'instant, c'est pas suffisant. Flash automatique, quoi. C'était comme on est dans le noir, le flash automatique. Pas suffisamment louche d'après moi pour qu'ils se mettent à trouver ça vraiment vraiment bizarre. Là, effectivement, ils sont en train de demander, mais en même on temps, fait quoi là? Ils vont charger là. On a rien pour s'organiser. Est-ce qu'on peut pas fuir? Est-ce qu'on doit donner nos identités? On donne pas nos identités? Est-ce qu'on s'affronte physiquement ou pas? Enfin, c'est quoi votre idée, quoi? Ok, je propose d'aller négocier avec les flics. Putain. Là, il y a le mec au mégaphone qui a son mot à dire. Alors là, je peux te dire qu'avec Michel, quand même, depuis le temps qu'on avait des doutes avant de fabriquer la camionnette, on se dit, lui, il est pas net. Ok, le mec, il veut négo. Alors donc, on se dit, on va lui mettre la main sur une table, on va sortir la scie circulaire diamètre 201. Et on va voir ce qu'il a dans le gilet. Et on va voir s'il a des sueurs ou pas, le mec. Ah. Okay. Donc on fait ça, on lui met la main sur le billot, on sort la scie et on voit si le mec, il en a. Alors c'est parti, on va voir si t'en as. Tu es en train de te faire attraper par tes petits potes. Ils sont en train de te dire, mec, à mon avis t'es louche. Le level de difficulté est élevé. Il y a grave moyen que je craque. Le niveau de difficulté est élevé, là, tout à fait. Il y a une scie circulaire au-dessus de ma main. Ouais. Je sais pas si je craque et je balance. C'est moite-moite. 1, 2, 3, tu craques. 1, 4, 5, 6. Il a grave craqué, il a perdu son bras. Directement, je dis, il a craqué et perdu. Arrêtez, je suis la police. Il se met, voilà. Je suis un keuf, j'avoue. Oh putain, régalade. Oh merde, allez, on va se marrer. Hey. Ah, conciliabule. Mec intelligent, mec charismatique, se mettent à part, commence à discuter. C'est bon, on a un otage, putain, c'est un flic. Ouais, laisse tomber. Ouais. Là, on est les rois du pétrole. On peut négocier un truc on de fou. On est dans le Leroy Merlouche. Du coup, la folie. On appelle le président là, de la République. Dérape, radio libre. On lui dit, alors attention, on veut une augmentation du SMIC de 5 euros par heure. Maintenant, sinon, on coupe la deuxième main du keuf. Déjà, je vois pas comment t'aurais eu le numéro du président de la République dans ton Leroy Merlin alors que même un RG capte pas. J'ai fait le 17. J'ai fait le 17, j'ai demandé l'Elysée. Effectivement, là, il y a Gérard qui vient vous voir qui fait non, mais vous êtes sûr, votre histoire de on dit qu'on le prend en otage et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande en échange? En même temps, si c'est juste un keuf, ils s'en foutent. Comment on fait? Et vous entendez à l'extérieur. Troisième sommation. Putain, merde. J'avoue, on est dans la merde. Moi, je me pisse dessus. Déjà, il te manque une main. C'est la loose. Putain. Ouais, troisième sommation, c'est chaud, la troisième. Bah là, troisième sommation. C'est le moment où ils arrivent. Donc là, je dis quand même, en mode semi-otage, je dis, bon, laissez-nous sortir tranquille. Laissez-nous claquer 150 mètres jusqu'au bout du parking. Tranquillou, petite aide d'honneur de flic. Et quand on sera sorti du parking, on rendra le flic. Non, moi je suis pas d'accord. Le flic manchot. Non, moi je suis pas d'accord. Alors, vas-y. Moi je pense qu'on dit au mec, les flics ils font troisième sommation, ils disent si vous rentrez, on lui coupe la bite au rotophile, les mecs. C'est compris ? Au rotophile. Qui le prend de nous deux, qui soulève la foule ? Eh bien, écoutez, là, il y a les combat. Filles qui sont de l'autre côté. Combat, qui a gagné entre nous deux ? Ouais. Proposition Vas-y. À la foule. Ouais, désolé, j'avais envie. Vas-y, jette le dé, pas de soucis. Combat. Ah bah tu vas gagner, vas-y. Balance, on sait jamais que tu fasses égalité. Ah oui, t'as largement gagné. On lui coupe la bite au rotophile. Alors, en tous les cas, ce qui est dit, c'est pas que c'est cette décision-là qui est prise, c'est que c'est lui qui est écouté par les flics. Donc là, les flics, ils apprennent ça et ils sont en mode oh, ils sont super dangereux, c'est un truc de malade. Et donc, ils décident de dépêcher une espèce de négociateur. Donc là, ce qui se passe, c'est que au niveau de la porte d'entrée, il y a une énorme barricade que vous avez fabriquée. Puis il y a une espèce de, comme un petit vasistas, je sais pas, un petit endroit où vous pouvez discuter un peu en face à face avec certains keufs. Un genre de chatière à flics. Exactement, un chatière. une chatière à flics. Et là, du coup, il y a un type qui est un négociateur, quoi, qui se présente à vous et qui fait écoutez, les gars, je crois que vous êtes en train d'aller beaucoup trop loin. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de dépasser les limites et que vous pourrez peut-être plus faire demi-tour. Donc il y a deux possibilités. Soit on calme tout de suite les choses, vous sortez et vous allez subir tout de suite les conséquences des actes. Soit vous décidez de rester et ben nous on va envoyer le GIGN. Hein. De Axe ? Bon, la situation est tendue, mais moi ce que je proposerais, c'est de kidnapper le négociateur et de lui couper la main au rotophile. Il est vraiment charismatique ce mec. Il est de l'autre côté de la chatière, comment tu veux l'attraper, le faire rentrer dans la chatière. Est-ce que le flic manchot a encore son mot à dire ou... Eh ben, écoute... Il lui reste une deuxième main. Du coup, il y a un gilet jaune qui vient auprès de lui et qui est quand même qui lui a bandé la main comme il a pu avec son gilet d'ailleurs. Et qui lui dit, enfin qui essaie un petit peu de le rassurer, mais je sais pas du coup comment il se sent à ce moment-là. Merci Maman. Pour tout. Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y aura pas de jet de dés sur ce. Tu peux me synthétiser vite fait, s'il te plaît ? Soit vous sortez et vous assumez les conséquences de vos actes, soit vous refusez de sortir et le GIGN intervient. Moi, je propose qu'on se rende pas et on attend que le GIGN intervienne. Aussi. On est quand même dans le Leroy Merlin, on a de quoi se défendre. On a un poste à souder et puis on va bricoler un truc, quoi. Toujours le poste à souder. Il n'y a pas moyen de récupérer la camionnette dehors, là, quand même. Bah, il faut que vous tentiez une percée, mais il y a des flics qui sont un peu partout. J'ai une idée pour la suite. Alors, comment ça se passe ? Alors, du coup, vous décidez de rester à l'intérieur. Le négociateur, il a l'air vraiment désolé pour vous. Il est en mode, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Et puis il commence à il commence à partir, vous le voyez de dos là, et puis tout à coup le silence. Il n'y a plus un bruit dans le Roi Merlin. Vous essayez vraiment d'écouter, vous entendez un peu la respiration des gens qui sont autour de vous. Ta gueule, le flic. Vous en avez un cri improbable, je sais pas quel animal crie de cette manière. Bon, t'as coupé un bras, pas être couille là, détends-toi. Et vous entendez des pas au-dessus de vous. Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont sur le toit. Merde, c'est le GIGN, les mecs, c'est par là que je comptais me barrer. Putain, les bâtards. Et là, d'un coup, vous entendez des bruits de glace. Il y a le GIGN qui est en train de glisser le long des cordes et qui est en train de se déployer dans les différentes allées, hyper discrètement. Quoi. Vous êtes encore la bande de 30 avec Gérard le gilet jaune. Vous êtes en panique. Il y a le RG qui est en train de saigner. Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, on a repéré avec Michel que dans la réserve du Leroy Merlin, il y avait une plaque d'égout qui menait à des galeries. Okay. Et là, on embarque le Condé, et on le traîne un peu sur 3-4 mètres. On embarque une brouette, on le met dans une brouette. J'ai le GIGN qui me donne de l'espoir, et je me laisse pas. Alors, tu te laisses pas traîner dans l'égout pour fuiter. Du coup, on va faire une première chose, on va faire un test de force et de résistance, donc il faudrait 2 dés, s'il vous plaît. Donc, il faut que toi t'en jettes un, sachant que celui qui est fort, c'est censé être lui, du coup, il a +2 à son jet de dés. Il fait 6 bah, plus il a 2, gagné. Soit 8, et toi tu fais 2. Ok, donc du coup, il résiste, le flic réussit, il a une espèce de regain d'adrénaline, il réussit à se dégager, et donc du coup, bah, là, si vous voulez aller vers cette Mais nous, on se carapate. C'est possible. Nous, vous vous retrouvez face à la plaque d'égout, il va falloir réussir à l'ouvrir maintenant. Qu'est-ce que vous utilisez pour ouvrir la plaque d'égout? Putain, si tu me fais pas un truc... diamètre 220. Ah, faut que je trouve un truc pour bien l'ouvrir. Ouais, faut l'ouvrir bien, rapidement. Y a une baramine qui traîne à côté, c'est bon, levier, tu connais Archimède ou pas, donne-moi un point de levier, je soulèverai le monde. Ok, tu vas jeter un dé, tu vas faire un test d'observation pour voir si tu trouves un levier rapidement, vas-y, jette le dé pour test d'observation. Ok, tu fais 2. Nul Michel, nul. Ça levier pas des masses. Tu réussis à trouver un objet, mais qui est pas terrible pour soulever, donc t'auras pas de bonus quand vous allez utiliser votre force pour soulever le, pour soulever la plaque d'égout. Le mec charismatique a beaucoup de force. Ah bon? En plus, mais non, la force, il c'est lui. Est super intelligent, ouais. Et beaucoup de force. Et donc, et ben, vous essayez d'ouvrir cette plaque d'égout. Pour ça, il va falloir que vous jetiez le dé tous les deux. Il faut que vous fassiez plus de 8 à vous deux additionnés. Donc cool. 5 et 3. C'est faisable. 1, 2, go. Vous faites 4, oh non, t'es sérieux. Et vous faites 1, 5. Oh, vous vous retrouvez Michel. À essayer de soulever cette plaque. La plaque commence à se soulever et elle retombe. Sur mon pied un peu, non? Elle retombe. Non, pas sur le pied. Elle retombe juste. Et là, voilà, le GIGN arrive. Il, ah merde, vous plaque les flics. Il vous plaque les. Les c'est quoi ton jeu pourri, on perd à la fin. Il vous plaque les flingues sur la tempe. Non. Et c'est en mode, vous allez nous suivre. Non, non, c'est fini vos conneries. Ouais, on a perdu là. Mais comment on fait là? On est dans la merde. Quoi, on a les flingues sur la tempe? Vous avez les flingues sur la tempe. Vous pouvez essayer une dernière action héroïque. Peut-être appeler sans fri. Là, à ce moment-là, il y a les GIGN qui est en même temps dans une pièce. Dans une pièce juste à côté, le GIGN. C'était en train pas un peu de... beaucoup le GIGN quand même. En train de libérer le RG ici présent. C'était pas un peu goût de. En même temps, on lui a coupé la main. Ah, en oui, on lui a coupé la main, c'est vrai. On allait lui couper la bite après. J'ai vu comment c'est fini cette histoire, mais. Alors, c'était un peu hardcore. C'est ainsi que se termine ce petit jeu de rôle. Certains. Dernière vous, action héroïque. Non, on a perdu. Faire... Si, on a une dernière action. Il dit héroïque. La peu de chance de la réussir. Ah bon. Quasiment aucune chance de la réussir. Dernière mais... phrase, dernière action. Bah, je m'inspire. Martyr ou pas martyr quoi. Exactement. Non. J'ai un espèce de. Comme je sais que je vais bientôt mourir, il y a plein d'images qui me viennent en tête et beaucoup d'images de films de John Woo. Où là, je me dis. En fait, tu te retournes. Tu mets une gifle dans le flingue, tu fais un mouvement chelou de ton poignet, t'enroules tout ça, tu retournes le flingue contre le mec et t'en tues 4 en brochette pendant un truc de ouf. Et donc je tente une John Woo. Tu tentes une John Woo, c'est une difficulté qui est très très, très, très haute. Hein. Maximale. En fait, c'est seulement si tu réussis à faire 6 que tu réussis. Donc là, c'est une chance sur 6. Si tu réussis, t'es un héros. Sinon, bah, est-ce que Don il attente avec moi? Est-ce qu'il a eu la même idée que moi quand même? Si, on est deux si dans vous l'histoire. Voulez, vous pouvez jeter tous les deux le dé. Allez, essayer tous les deux. Parce que si on a un sur les deux qui réussit, si on a un sur les deux qui réussit, il faut avoir 1-6. Il faut avoir 1-6 et l'un d'entre vous a un coup de génie. T'as la main. Allez, t'as la main. C'est parti. Oh, Don, il est charismatique, il l'a fait. Il a fait une John Woo. Et là, on. Il chope le flingue. Ah. Il le retourne. Sans tuer personne. Ok, sans tuer personne. Qu'est-ce qu'il fait? Juste, il blesse. Bah, comme dans les films, il tue jamais personne. Ni haine, ni violence. Au ralenti, bah, il tape dans les jambes. Il met des bastos dans les genoux. Tout ça au ralenti. Il y a des colombes qui volent. Ouais, c'est beau tout ça. Et alors, d'un coup, paf, tout s'arrête. Tous les gens du GIGN sont au sol. Et alors, vous sortez par l'arrière du bâtiment. Il y a encore cette fin de feu de palette, hein, et vous c'est en sortez de justesse. Putain, l'aventure continue là. En fait. Putain, c'est beau. Bon, peut-être qu'on jouera le chapitre 2 plus tard. C'est beau. Merci à vous. Donc du coup, on a gagné? Non, là on n'a pas gagné, on est sur le parking, et je pense qu'à la prochaine émission, peut-être on tentera de finir notre van caddie. Ok. Bravo. Il y aura un lancer de dés. Ah, merci cool. Pour tout. Merci, on Benny, se met une merci. Petite chanson pour enchaîner là-dessus. Merci beaucoup à Benny. Allez, bah tiens, si on se mettait un petit classic shit, Michel. Classic shit. Cop, on va se mettre un peu de peura alors, classic shit. Allez, tiens. Vas-y. Tiens, j'ai vu un Dead Prez qui traînait. Attends, il est parti en freestyle. Allez, un petit dead. Allez, ça y est. Sans-froid, s'il te plaît. Non, sang-froid est parti en freestyle. Macron, démission. Macron, démission. Macron, il y a encore le son sur les micros. Hein. Macron, démission. J'ai dit Macron, démission. Allez, Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Gilets jaunes. Moi, gilets jaunes. Demain, les gilets jaunes. c'est petit. Gilet jaune, pas gilet jaune. Demain les gilets jaunes. Faut danser petit. J'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Why haven't you learned anything? Man, that school shit is a joke. The same people who control the school system control the prison system and the whole social system ever since slavery. Know what I'm saying? I went to school with some redneck crackers. Right around the time Third Base dropped the Cactus album, but I was reading Malcolm. I changed my name in 89, cleaning parts of my brain like a baby nine. I took their history class serious, front row, every day of the week, third period, fucking with the teacher's head, calling them racist. I tried to show them crackers some light, they couldn't face it. I got my diploma from a school called Rickers, full of teenage mothers and drug dealing niggas in the hallways. The popo was always present, searching through niggas' possessions, looking for dope and weapons, get your lessons. That's what my mom's kept stressing. I try to pay attention, but they classes weren't interesting. They seem to only glorify the Europeans, claiming Africans were only three-fifths of human beings. They schools can't teach us shit. My people need freedom. We trying to get all we can get. All my high school teachers can suck my dick, telling me white man lies. Straight bullshit. Bullshit. I'll stand up for the Pledge of Allegiance to the flag. I said, stand up! You're American, aren't you? Nope, that's your flag. It's like a 12-step brainwash camp. They make you think if you drop out, you ain't got a chance to advance in life. They try to make you pull your pants up. Students fight the teachers and get took away in handcuffs. And if that wasn't enough, then they expel you. All your people's understanding, but to them, you a failure. Observation and participation. My favorite teachers, when they beat us in the head with them books, it don't reach us. Whether you break dance or rock, suede, Adidas, or be in the bathroom with your clique, smoking reefer, then you know they mad. Class ain't important unless you add enough cash and multiples. Unemployment ain't rewarding. They may as well teach us extortion. You either get paid or locked up. The principal is like a warden in a 4-year sentence. Mad niggas never finish, but that doesn't mean I couldn't be a doctor or a dentist. They schools can't teach us shit. My people need freedom. We trying to get all we can get. All my high school teachers can suck my dick, telling me white man lies. Straight bullshit. They schools can't teach us shit. My people need freedom. We trying to get all we can get. All my high school just can suck my dick, telling me white man lies. Straight bullshit, bullshit, bullshit. Teaching us how to build they shit up, know what I'm saying? That's why my niggas got a problem with the shit. That's why niggas shit, cause it don't relate. You go to school, the fucking police searching you, be walking in your shit. Like this a military compound, you know what I'm saying? So school ain't gonna relate nuts. Until we have some shit where we control the fucking school system, where it reflect how we gonna solve our own problems, then niggas ain't gonna relate to school. Shit, that's just how it is, you know what I'm saying? And I love education, you know what I'm saying? But if education ain't elevating me, and you know what I'm saying, it ain't taking me where I need to go out some bullshit, then fuck education, you know what I'm saying? At least they shit. Matter of fact, my nigga, this whole school system could suck my dick. Marathon Radio Crochet. Oh putain, je crois que ça fait plus de 18 heures et quelques, ou combien, Frito, s'il te plaît? 19 là, mec. Je crois que c'est à peu près ça, oui. Ah ouais, je crois qu'on frôle les 19. On a commencé à 9h ce matin. Ouais. Pour ceux qui sont bons en calcul mental et qui ont un peu plus dormi que nous, ils se débrouilleront. C'est 15h plus 4, ça fait... ouais, c'est ça, c'est 19h. 19h, mon ami. Putain, c'est pas mal, donc c'est dédicace. Bon bah, aux gens qui sont venus apporter à manger, qui sont venus apporter leur soutien... à Benny, qui a quand même fait une bonne part du marathon. Super ingé son. Là, c'est sans froid aux platines qui remplace un peu parce que Benny a beaucoup de choses à nous dire. Ok, oui. Angel, qui est là en chroniqueuse de luxe et bien habillée, surtout. Albin, je ne cite plus tellement, il a relevé le niveau de l'émission. D'ailleurs, maintenant, en fait, tu fais partie de Groupe Fantôme. En tout cas, pour ce qui est des émissions de radio, tu fais partie du truc. Et il nous manque plus qu'à lancer un petit sujet pour ceux qui auraient quelque chose à dire. Sinon, on remet de la musique, on parle de musique, de ce que vous avez entendu, comme vous voulez. Un petit sujet d'émission de fin. Je sais pas exactement qu'est-ce que je peux... Ah si, tiens, j'ai un sujet d'émission qui est peut-être pas forcément passionnant, mais je vais vous confier un petit truc, une petite chronique. Je suis parti au Cambodge quelques temps, là. Je suis parti d'abord à Singapour, puis je suis allé en Indonésie, puis au Cambodge. Et sachez que il y a 12 heures, il y a 12 heures d'avion, il y a 7 heures de décalage horaire, voilà, tout ça on s'en fout un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que là-bas j'ai chopé une tourista, les gars, un truc assez violent. Ah ouais. Et vraiment, une fois revenu en France, quel pays, pendant facilement 2 ou 3 semaines, j'ai encore eu cette espèce de reste de tourista. Merde. Néanmoins. Je suis quelqu'un qui, quand il fait caca, a tendance à devoir beaucoup s'essuyer, à utiliser beaucoup de papier. On pourra en parler. Debout. Et debout d'ailleurs, ça c'est une autre discussion. Mais je finis vite fait là-dessus, et comme ça, il y a plein de... Voilà, il y a une grosse ouverture sur plein de pistes. Vous en faites ce que vous voulez, vous les empruntez si vous voulez. Et donc, l'autre chose, c'est que le truc que je trouve agréable, c'est que comme je chiais mou, j'avais moins besoin de m'essuyer. C'était beaucoup plus facile que quand je chiais dur. Voilà. Bah. Alors du coup, plusieurs choses. Gratte moins, c'est fluidifié quoi, c'est fluidifié par ta propre merde. Mais quand tu chies mou, tu t'en fous plus plein l'arrêt. Et bah là, je te dirais, en 5-6 feuilles, enfin 5-6 passages, j'avais l'arrêt propre. 5-6 passages, pour moi, c'est la moyenne haute. Hein. En général, je me débrouille avant. D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Qui replie son PQ? Ah oui, moi je le replie. Moi je tourne autour de ma main au moins 3-4 fois, mon gars. Bien sûr. Genre, mais au départ, tu prends combien de feuilles? C'est ça la vraie question. Combien tu mets de feuilles autour de ta main? Bah, au début. Bam, bam, bam. Je pense que c'est facilement. En fait, ça fait comme tu un petit six, gant. Six, je pense que c'est 6-7 feuilles. Ouais, oui. Et là, tu peux retourner. Gros, mais moi, est-ce moi que je suis plutôt partisan. Ça défonce du PQ. Moi, je suis partisan de. Je me mets 3-4 feuilles. Donc, de quoi faire le tour de ma main. Tac, tac. En général, celui-là, j'ai tendance à pas le faire sur les 4 faces. Il n'y a que 3-4 feuilles, je m'emballe pas. Ouais. Au-delà de 4 feuilles, je me dis, c'est vrai que ça peut resservir. C'est du recto verso, quoi. Et la petite feuille d'amorti, on en parle ou on n'en parle pas? La d'amorti. Feuille d'amorti, dis-nous en la plus. La feuille d'amorti, vous faites pas ça, les gars? Bah, vas-y. Moi, je pratique. Bah, je mets toujours 2-3 feuilles dans le fond de la cuvette. Ah, pour le bruit. Bah, puis même pour les éclaboussures. Parce que tu as bon. Ah, pas con, pour pas en avoir plein les couilles. Faut quand même pas négliger que je fais quand même quasiment 2 mètres. Et j'estime que mes merdes sont à peu près proportionnelles, tu vois, oui. Bonhomme. Donc forcément, ça éclabousse. Ah, pas con, non, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé de m'éclabousser, ça fout les nerfs. Et le cul mouillé, moi, j'aime pas. Le cul mouillé, non, j'aime pas, je valide pas. Quoi. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis... Exactement. Ah, c'est un petit... Moltonel, Motus. Mais non. Oui, le trèfle, 1967. Hein. Mais du coup, moi, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est est-ce que, enfin, quel type de PQ vous utilisez ? Et par exemple, je sais que moi, j'ai pu utiliser les PQ qui sont un peu parfumés à la menthe, et je trouve que ça fait un effet bizarre. Je sais pas si vous avez déjà un peu comme les mouchoirs qui sont à l'eucalyptus. Ah non, c'est un coup à choper une mycose. Ça va pas un peu te. Une très bonne anecdote par rapport à ça. Très bien. Ah, ça me plaît. Un jour, éclaire-nous. J'avais plus de gel douche. Je me suis nettoyé intégralement avec du Head & Shoulders menthol très forte. Ah merde, non, faut de grave. Je vois ce qui s'est passé. Et oh putain, dans et le t'as cul, nettoyé l'arrêt. Dans le cul, ça m'a fait une sensation ça horrible. T'as chauffé ouais, grave. Mais mec, moi pendant... j'utilise un peu de Head & Shoulders, tu t'en mets dans les yeux. Tu meurs. Tu meurs, ça pique les yeux, un truc de fou. Sachez que dans le cul, alors dans l'arrêt, 2-3 heures après ma douche, j'avais l'impression que mon cul coulait. Alors que ça, qu'il y avait de l'eau qui sortait alors qu'il y avait rien. Merde. J'ai vérifié une fois, deux fois. Je comprends. C'était hyper frais. Je et j'avais l'impression que mon cul était en train de couler et c'était horrible. Mais dérangeant. Donc, dérangeant. Déconseillé. Et alors ma deuxième question est la suivante. C'est du coup quand vous essuyez, quelles sont vos méthodes finalement ? Parce que moi, je me suis dit un truc à un moment. C'est je me rappelle de la période où j'étais petit et en gros comme un peu comme l'enfant de certains de nos amis hurlait en disant j'ai fini de faire caca et quelqu'un venait me torcher. Et en fait, normal. D'un moment du jour au lendemain, j'ai su me torcher. Mais je me dis pas, j'arrive pas à me dire qui m'a appris, comment on m'a appris. Et moi, je me suis toujours essuyé debout, donc digne finalement. Avec. Alors attention, je sais parce que je sais que sans froid, j'ai déjà eu la discussion avec SF. Il a il est partisan d'une autre technique, je crois. Bah, donc c'est ça m'intéresse. Je crois que SF pourrait dire quelque chose et je crois qu'il a en plus des arguments d'hygiène en la matière. Alors, s'il y a des techniques inédites, on y va, les gars. En termes de debout, se relever, pas se relever, on était là-dessus. Hein. C'est ça, c'est ça. Tu te relèves. Tu termines, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est quoi votre move ? J'ai cru comprendre que sans froid, tu te relevais pas. Moi, si j'ai du mal à faire pipi assis, je vois pas de quoi tu parles. Non, ah, mais tu sais pas. Bon, c'est pas. Mais je crois qu'on a eu cette discussion il y a quelques années. Mais... Oui, se torcher assis ou debout. Ouais. Parce que je crois qu'à l'époque, l'argument c'était si tu te relèves, tu t'écrases la merde entre tes fesses. Mais non, sauf que je crois qu'au moment où je me relève, je fais gaffe à la garder un peu tendue. Moi aussi, je garde. Je la garde un peu tendue, je me relève, j'insère la triple feuille, ouais. Ça se passe bien. Et ben moi, un de mes petits secrets de fabrication, c'est que je me lève, je garde les fesses un peu écartées, je me retourne et je mets un pied sur le trône. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu tapes des pauses sur le trône. Exactement, ça pour avoir un accès au fondement optimal. Ah ouais, ça mérite une photo. Mais par ça. Quel côté? Ça c'est les dieux du stade. Je suis, je sais pas comment vous expliquer. Oui, alors attendez, avec quelle main? Je vous montre. Là sur Albin, ça serait quelle main? Mais attends, t'es en train de nous dire Benny, tu prends une position sexy pour te torcher? Non, parce que je me mets face parce que je regarde ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord. Alors je vous décris la scène. Donc il se retourne face à son chiotte et là il pose une jambe sur le chiotte. Et ensuite il y a une autre chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que le rouleau de PQ, je le sors de son. Souvent, il est accroché. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, il oui. Est... Ouais. Il... Tu prends je avec l'enlève. Toi. Je le prends dans une main, quoi, en fait. Et puis, je vais me mettre à tourner. Voilà. Je vais me mettre à tourner. Frénétiquement, pour faire un gant. Et ensuite, et bah, comme ça, dignement. Et de, du coup, de d'arrière, en fait, du scrotum, voilà, jusque vers le haut, quoi, comme ça, de comme ça, oui, je bas vers le haut. Tire, voilà. Je tire plein de fois. Plein de fois. Parfois, je vais te faire saigner la ronde. Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai un problème, c'est que des fois, j'ai l'impression d'avoir une merde indélébile. Oui, c'est j'ai vrai. Beau essuyer, alors, mon gars, ça ne s'arrête jamais. Alors là, passe à l'inverse. Madame, tu parles de merde indélébile et j'ai envie de te poser la question du contraire. C'est-à-dire la question du furtif. Le furtif. J'établis personnellement trois catégories de caca. Alors, le normal, classical, le fantôme et le furtif. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les nuances ? Alors, la typologie se décrit comme suit. Le normal à tout normal. Va falloir que tu te torches. Ouais, tu... Si, va falloir lâcher du papier, c'est la merde. c'est le game. Tout est normal, tout va bien. Fantôme, deuxième catégorie. Plus besoin de PQ. Ça existe. Ah ouais. Mais si, le fantôme. Moi j'appelle le perfect. J'appelle le perfect. Des gens l'appellent le perfect. Ouais. Mais moi, tu as compris, il y avait des fantômes. Oui, furtifs, oui, je comprends. Une espèce de, voilà, un champ lexical. Donc le premier, pas de trace sur le PQ. y a-t-il vraiment une preuve de son existence? Ah oui, d'accord. Puisqu'il n'a pas laissé de traces. Ah, toi, tu parles carrément du furtif. Non, mais là, j'en suis qu'au fantôme. Ah, ok, ok. Tu vois ton... Tu torches, tu regardes ton PQ. Le PQ est propre, du premier coup. Tu dis, bon, bah, c'est bonheur, c'est toujours ça d'économiser. Mais c'est quoi la différence entre le furtif et le fantôme? Bah, j'arrive. Donc, le premier, tu dis, ok, il n'y a pas de traces sur le PQ. Là, tu te retournes, tu regardes dans les chiottes, tu vois ta merde, t'es rassuré. C'est bon, j'ai pas... Tu la regardes droit dans les yeux, t'es... Voilà. C'est bon, j'ai toute ma tête. Et le furtif, c'est celui qui potentiellement peut te faire péter un câble. Tu te torches, tu regardes le PQ, il n'y a rien. Petit doute. Tu te retournes, tu regardes la cuvette, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. C'est impossible, ça. Hein? Ça m'arrive, je sais pas, je dirais à peu près 6 à 10 fois par an. Mais parce que tu dois Ah, c'est quantifié. Ça t'arrive pas? Non, mais Bédi, aidez-moi quelqu'un. Est-ce que tu fais des... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu fais des graphiques sur tes papiers de millimètre? Je te parle d'un Kubo, d'un sous-marin. Mais moi, je l'appelle sous-marin. Il est sous-marin. Parce qu'il a coulé, il est parti. Mais sous-marin plus fantôme égale furtif. Ouais, moi, je l'appelle le ninja. Il est sous-marin, il a pas laissé de traces non plus sur le PQ égale maxi furtif. Il n'y a aucune preuve de son existence. Genre, tu coules un bronze et le bronze, il part direct sans tirer la chasse. Ouais, il part Tu ne le vois pas. Il est bien moulé. Jamais, il a une densité proche de l'uranium. Quoi, il a un fuselage. Franchement, je t'assure, il coule direct. Putain, mais j'ai jamais fait ça, moi. Il y a un truc de pression aussi. Ouais, Benny, t'en as fait quand même. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Putain, ça m'est jamais arrivé. À la limite de se torcher et que ça soit, que le papier soit nickel. Ouais, ça a dû m'arriver deux fois dans ma vie, quoi, mais je vois bien. Mais non, c'est celui qui coule, celui le fond, qui coule et qui part là, non. Bon, bref, ok, allez, sans froid. Balance-nous un dernier petit son, sans froid. On va mettre allez, les White Stripes, allez, c'est parti. Seven Nation Army. Ouais, les tréfonds de la radio libre. Marathon de radio sur Radio Crochet. Moi, je pourrais vous en parler des White Stripes. Il est où le grincement de la musique? Pas mal de lancement. I'm gonna fight them all. I'm seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth to my mind behind a cigarette. We'll be right back. Ah, attention, je mets les micros. C'est ouais. Jingle en folie, c'est alors, parti. Attention, c'est parti. Est-ce que ça fonctionne si j'appuie là-dessus? Effectivement, je ne vois pas. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionne. Ah, ça devrait. Normalement, ouais, là, c'était le moment où il y avait plein de jingles qui arrivaient dans tous les sens. Ouais, mais j'appuie sur des trucs. Radio Crochet, c'est Radio Uni. Et je vais fermer Jingle Palette et ouvrir. Attendez, continue à dire des fausses. Attention. Radio Crochet, toujours en développement. Radio Crochet. Radio. La radio. C'est parti. Toi, sois couché. Ok, c'est mignon. Mais ouais. On valide. Tu peux commenter chaque jingle. Ok, ouais, je vais depuis le début. C'est parti. Le premier s'appelle animateur radio. Est-ce que j'ai un problème avec des animateurs radio multimillionnaires, pleurnichards et impertinents qui médisent sans arrêt des célébrités et qui se plaignent tout le temps de leur vie, alors que mon appartement à moi a les murs extrêmement fins et que mes voisins sont des néandertaliens? Et c'est pas un nouveau-né qu'ils ont. C'est une sirène de défense civile qui signale des attaques aériennes à n'importe quelle heure et qui se déclenche toutes les nuits comme si c'était Pearl Harbor, putain. Non, not a jingle déjà. Not a jingle. Non, mais c'est... tout le monde connaît cette voix et c'est énervant de se dire c'est la voix de qui. C'est un peu long pour un jingle. C'est la voix du mec qui est tout le temps utilisé pour les non-jingles. C'est ça. Moi je sais ce que je veux. Ah oui, bien, tu sais c'est quoi mon but? Être un putain de bourgeois. Gagner du blé à rien glander. Je ne veux surtout pas retourner où j'étais. Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé pour avoir de quoi vivre. Ah, j'ai jamais eu assez couché. Les conversations des gens sont complètement creuses maintenant. Tout ce qu'ils font, c'est régurgiter ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio. C'est la même voix que le mec de tout à l'heure. C'était quand la dernière fois que t'as eu une vraie conversation avec quelqu'un? C'est une voix des années 90. Elle n'existe plus dans les années 2000. Regarde un écran au-dessus de ta tête. Ou simplement une conversation à propos d'autre chose que les célébrités, les ragots des people, le sport ou la politique de comptoir. People. Une conversation sur un sujet important ou bien impersonnel. Pareil, ouais. Ah, c'est quoi? Elle a dit pareil, ouais. Pareil, ouais. On comprend pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce que... Alors, la poste, tu nous apportes encore des emmerdes? Pas tous les jours, Jo. Ah, c'est Ernest! Il vient ce week-end! Ah, l'étudiant arrive, va falloir causer velu. Laisse-le, putain, il a des aptitudes. Tu préférerais le voir traîner? Bon, je préfère. Catastrophe, c'est Jingle. J'ai peur de Jésus, ça. Hein. C'est Nico. Je suis bien contente qu'on n'ait pas essayé plus tôt d'en mettre, en fait. T'as je croyais qu'il y avait que des trucs type assis couché. Il y a eu pénurie de montage quand même. C'est les mecs qui ont pris des morceaux de film et les ont mis, quoi. Oui. C'est pas une. T'as pété? Oui, pété. T'as pété? Oui. Ok. Okay. T'en trouves un bien pour finir ou pas? Bah, franchement, j'ai cliqué partout. Il y a celui-là qui est marrant. Ça bon, bah ça fait un petit fond musical pour vous souhaiter une bonne nuit. Vous voulez pas un whisky d'abord? Classique. Ouais, classique, ça marche. Vous voulez pas un whisky d'abord, le fameux... Ah, d'accord. Non, bah là, c'est... Oui, on n'a plus rien à boire. C'est peut-être pour ça que l'émission va s'arrêter. Eh bien, merci à tous en tous les cas. Merci à vous, fantôme. Merci à Radio Crochet de nous avoir invités. Merci à Radio Crochet, merci à Benny, merci à tout le monde. Merci à Mathias pour tout ce qu'il a fait. C'est vrai, ça, merci Mathias. Et ben donc, il est 4h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite rediffusion. Et oui, nous trichons sur la web Radio Crochet, là, exceptionnellement. Mais c'est tout récent. On va mettre une petite rediffusion de la discussion sur tout. Une discussion qui a eu lieu à la Conjuration des Fourneaux il y a peu de temps. Oui, vendredi soir. Voilà, vendredi, et ça va. Et vous pourrez la retrouver aussi. On se retrouve à 6h pour la revue de presse. La revue de presse, tout à fait. On se retrouve à 6h. En attendant, je vais mettre une petite musique. Je ne sais pas encore quoi. Qu'est-ce que je vais mettre, Alban? Ah, Al Capote. C'est ça que tu viens de me dire? Qu'est-ce que je mets de Al Capote? Faut que tu me dises un pyramide est bien, non? Elle a craqué. Allez hop. Pute. Je vais rentrer. rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Vous observez dans la pyramide. Être au sommet dans la pyramide. VIP dans la pyramide. Des reptiliens dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Vous observez dans la pyramide. Être au sommet dans la pyramide. VIP dans la pyramide. Des reptiliens dans la pyramide. Je représente les pyramides. Les vampires de Pennsylvanie. Les attaquants comme Inzaghi. Les mongols de rats qui sortent de psychiatrie. Je suis un génie comme Vivaldi. Une légende comme Lenny Kravitz. J'ai assuré ma dynastie. Dans le 9-1, c'est la zizanie. Sus, posé au calme, je vis ma vie. Camouflé entre Ikaki. Y'a pas me déranger, j'ai frite la I. Je suis foncé, je veux qu'on me fasse une petite gâterie. Sus, repose en Pétier et Gilardi. Je vais m'allumer un petit garci. Fume avec Bosno la piraterie. Dédicace à Fethi et à Gilali. Pute, le micro y'a pas que moi qui le manie. Pute, vandarisme, j'ai l'esprit de famille. Pute, studio bunker y'a de la dynamite. Tu cherches des putes, va sur Viva Street. Pute, je vais aller serrer ta petite amie. Pute, l'homme les surbaiser au Grimaldi. Pute, je peux pas effacer mes cicatrices. Survivant de l'enfer comme un Chibani. Salope, les bolos sont l'air si ravis. Pute, je peux te procurer tout ce que t'imagines. Pute, prends pas pour un Illuminati. Ici ça tire comme à Cincinnati. Rachida Dati, Saïdati. Pute, je porte les plus beaux tissus d'Italie. Comme Monica Lewinsky et Hilary. J'éjacule vite, je suis si rapide. Pute. Je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, vous observez dans la pyramide, être au sommet dans la pyramide, VIP dans la pyramide, des reptiliens dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, je veux rentrer dans la pyramide, je veux monter dans la pyramide, vous observez dans la pyramide, être au sommet dans la pyramide, VIP dans la pyramide, des reptiliens dans la pyramide. Y'a pas que l'argent qui se dilapide, comme sur l'agence a dit la weed, fume, je suis vif comme maître Miyagi. Pute, ou les enfants dans Ninja Kid. Sus, papillon sort de sa chrysalide. Pute, j'encule les sionistes comme Richard Gere. Sus, les actrices comme Hopkins Tiffany. Pute, et les avocates comme Ali McBeal. Pute, j'suis prêt à ce qu'on m'hospitalise. Pute, pour te protéger du froid comme Vitalis. Brrr, viens bouffer mon épi de maïs. Sus, c'est à Evry que j'me revitalise. Exact, j'veux que mes projets se finalisent. MC va faire de la gymnastique. Pute, ou bien va prendre des vitamines. Tu vas couler comme le Titanic. Sus, attention quand mon équipe arrive. Attention, tu sais que personne ne rivalise. Non, je suis le meilleur.